Il n'y a pas si longtemps, les sons et lumières étaient considérés comme des spectacles démodés. Les choses ont bien changé. Et avec les années, ils attirent aujourd'hui des spectateurs de plus en plus nombreux. Car les sons et lumières sont devenus du grand spectacle qui met en scène des châteaux, des cavaliers, des centaines de figurants le plus souvent bénévoles, des milliers de costumes et de nombreux effets spéciaux. Véronique Bourret vous donne quelques idées pour assister aux plus beaux sons et lumières de France. Au château d'Amboise, le spectacle baptisé « À la cour du roi François » montre la vie telle qu'elle était à l'époque de François Ier. On y a reconstitué des scènes de marché et de chasse à cour, un mariage, et on y présente des danses royales et des fêtes équestres. Près de Château-Chinon, le théâtre romain d'Autun, un des plus grands du monde, accueille une évocation de l'épopée des Celtes et des Gallo-Romains. C'est une grande fresque interprétée par 400 figurants qui a des allures de péplum et de comédie musicale. Normandie, terre de liberté, raconte 2000 ans d'histoire de cette province à travers des personnages aussi différents que Jeanne d'Arc, Guillaume le Conquérant, Claude Monet ou Arsène Lupin. Ce son et lumière accompagnés de musique signée Berlioz, Verdi, Ennio Morricone se déroule à l'abbaye cistercienne du Valas entre le Havre et Rouen. Depuis maintenant plus de 20 ans, 600 figurants et 60 cavaliers sont réunis pour évoquer différents épisodes de l'histoire du château de Saint-Fargeau près d'Auxerre, l'arrivée de la duchesse de Montpensier, une bataille pendant la Fronde et le triomphe des maquisards à la fin de la dernière guerre. À Paris, deux artistes, Sarkis et Bob Wilson, ont mis en son et lumière deux monuments, le Panthéon et la basilique Saint-Denis. Peintre et sculpteur d'origine turque, Sarkis a choisi des sons qui symbolisent la vie, des rires d'enfants, le bruit du vent et des vagues, pour peupler le silence du Panthéon. La nuit, 72 néons représentent les signatures d'autant de grands hommes, projettent une lumière bleue qui varie en intensité à la manière d'une respiration. À la basilique Saint-Denis, Bob Wilson rend hommage à l'abbé Sugère, ce collectionneur à qui l'on doit le trésor de Saint-Denis et les vitraux de la basilique. Dans un environnement sonore et musical, les jeux de lumière créés par l'artiste confèrent à l'espace une nouvelle dimension. Ce qui est grand a été réduit et inversement, une façon d'étonner les visiteurs et de leur faire perdre leurs repères habituels. Parmi les autres grands sons et lumières qui se sont imposés un peu partout en France depuis quelques années, il faut citer les fêtes de nuit au château de Versailles, Ciné-Cénie au Puy du Fou en Vendée, les imaginaires d'Azel Rideau en Indre-et-Loire et des flammes à la lumière à Verdun sur les anciens champs de bataille de la Meuse.